La querelle difficile. Un doux ermite nommé Antoine vivait dans une cellule solitaire avec un autre ermite d'une nature moins pacifique qu'on appelait Frédéric. Un matin, Frédéric dit à son compagnon « En vérité, nous avons ici une triste existence. »« Comment donc ? » répondit le bon Antoine. « Ne devons-nous pas nous réjouir des grâces que le ciel nous a faites et de la quiétude qu'il nous conserve ? Nos prières à l'aube, à midi et au crépuscule, notre petit champ à cultiver, quelques livres édifiants à étudier, quelques pauvres gens qui viennent de temps à autre nous confier leurs peines en nous apportant leurs offrandes et qui s'en retournent consolés. La pensée que nous faisons ainsi un peu de bien et l'espoir de faire aussi notre salut, que pouvons-nous désirer de mieux ? Cela est bel et bon, mais toujours la même chose, la même règle monotone, et la journée est si longue. Pour nous distraire un peu, nous devrions nous disputer. » « Nous disputer ? Grand Dieu ! Et pourquoi ? Quelle raison de dispute peut-il y avoir entre nous ? On invente un prétexte qui n'a rien de sérieux et qui fait un instant diversion à l'uniformité de nos habitudes. Tenez, par exemple, je prends cette brique et je vous dis « cette brique est à moi ». Vous me répondez qu'elle n'est pas à moi. Je persiste dans mon opinion. Vous défendez la vôtre et cela nous amuse. « Soit, » dit tranquillement Antoine, « si cela peut vous plaire, j'y consens. »« Regardez cette brique !» s'écrie alors Frédéric. « Elle est à moi. »« Non, elle n'est pas à vous. »« Elle est à moi, j'en suis sûr. » »« Si vous en êtes sûr, » réplique le pacifique Antoine, « je ne puis essayer de vous la contester. Je vous l'abandonne. »